cours numéro 19. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أخذنا في درسنا الأخير في القواعد المثلى la troisième règle في الأسماء والصفات Famahi, c'est qui la résume, Tratol. Fama huwa al-i'tibar alladhi huwa ma'loum. Donc, zawahir nususu sifat. Et quand tu as un texte du Coran ou de la Sunna sur un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, une sifa, fa-hada al-zahir, ce mot, cet attribut qui est cité dans ce texte, fa-ma'loumun lana bi'atibar. Fa-ma'hu, tfaddal. Fa-ma'louma lana bi'atibar al-ma'na. Ahsant. Ay, na'lam al-ma'na. On connaît le sens. Aïe, on avait dit aslu al-ma'na avec la langue arabe. Une main, c'est une main, visage, c'est un visage, Allah y descend, il est akhir. Et bien sûr, taqaddam ma'na anna sifat Allah azza wa jalla la tushbih sifat al-makhlouqin. Wa majhoulatun lana bi'tibar ma hu? Tafattal. Wa majhoulatun bi'tibar al-kayfiyya. Na'am, amma al-kayfiyya fala na'lamuha, najhaluha. Donc, cette qaïda, elle est très très importante. Et, alhamdoulilah, on l'avait simplifiée dans le dars précédent. Et la règle qu'on va lire ensemble aujourd'hui, la quatrième, fil haqiqa, c'est la suite et ça explique akthar. C'est toujours fait al-zawahir, zawahir al-nusus. Et, cher Nouthaymin, dans cette règle, la quatrième, il va montrer ceux qui se sont égarés via del peuple. فما تقدم معنا c'était مذهب أهل السنة أن chaque texte qu'on a من القرآن أو من السنة sur un attribut d'Allah عز وجل فأن connaît le sens الله سبحانه وتعالى il a des vraies mains الله عز وجل il a un visage الله سبحانه وتعالى il descend لماذا on connaît le معنى لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن avec une langue claire la langue arabe et pour qu'on médite et là chaque ce Coran, le prophète alayhi salatu wa sallam, il l'a compris et il l'a propagé. Il l'a transmis. Donc on comprend les sens. Et bien sûr, les ulama yunabbihun huna, le sens, ça implique pas quand tu connais le sens, ça va ressembler à ce que tu connais. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des vraies mains, mais c'est pas comme les mains que tu connais. C'est pas comme les mains que tu as vues. Là, c'est des mains taliqu billahi azza wa jal. C'est des vraies mains, mais le comment, on ne sait pas. C'est ça la troisième règle. Amma ma yata'allaq bi tamthil, hada alhamdulillah, on l'a vu kathiran. Wa taqaddam ma'ana, et on en aura besoin pour comprendre cette dernière règle, anna al-ishtirak fi al-asma la yastalzim al-ishtirak fi الحقيقه ça c'est très très important al istirak fi al lafz Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains l'être humain il a des mains ça n'implique pas ان les mains d'Allah azza wa jall c'est comme la main de l'être humain hada c'est muhim et Cheikh Ibn Uthaymin il va reciter hada dans cette qaida limada il a recité hada dans cette qaida limada لان ça va ensemble قال رحمه الله القاعدة الرابعة la quatrième règle dans les noms et les attributs ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام تقدم معنا donc dans la troisième règle أن مذهب أهل السنة أنهم يلسّ ces textes على الظاهر الظاهر c'est sans interpréter on les laisse comme ils sont en langue arabe claire et هذا الظاهر اللي معلوم. Et ce texte, alhamdulillah, on connaît le sens. Dans cette quatrième règle, Cheikh Al-Uthaymin précise قال الظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. C'est ça, الظاهر. قال وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. Donc, ظاهر هذا النص. On est tous d'accord qu'on doit laisser ce texte à la zahir. C'est quoi son zahir? قال رحمه الله ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. C'est ce que tu vas comprendre comme معنى par rapport à la formulation du nos. Par rapport à من إلى من أضيفت هذه الصفة. Si on dit Allah il a des mains, et si on dit Mohammed il a des mains, la signification des mains huna, ça ne sera pas la même chose. Aïe, les mains de Mohammed, elles ne sont pas comme les mains d'Allah Azza wa Jal. Les mains d'Allah, on a dit main d'Allah et on a dit main de Mohammed. Enfin, quand tu dis main d'Allah, c'est des mains, lakin elles ne ressemblent pas à ceux des créatures. Quand tu dis main de Mohammed, Mohammed il a des mains, ça implique des mains d'êtres humains. Avec une peau, avec du sang, avec des os, avec de la chair, il a akhirik comme un taqaddam. Wa Cheikh Al-Uthaymin, huna, rahmatullah alayhi, dans cette qa'ida, il a cité des amthila nafi'a. Qala, fal kalimatu al-wahida yakun laha ma'nan fi siyaq wa ma'nan akhar fi siyaq. Ça, c'est important pour comprendre ad-din. Cette langue arabe, comme ta'lamoun, elle est très riche. Tu peux avoir un mot, un lafd, et dans une phrase il a un sens, et dans une autre phrase il aura un autre sens. قال رحمه الله وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى على آخر على وجه. كذلك la formulation. Enfin, tu as deux choses. Tu as, أولا, un mot, il peut avoir différentes significations. S'il est dans une phrase, il aura ce sens. S'il est dans une autre phrase, il aura un autre sens. Kadhalik, tu peux avoir la même phrase, lakin qui est tournée différemment. La tournure, elle est différente. Maintenant, le verbe, il est placé avant le sujet ou l'inverse. Et tu auras un autre sens. Avec les exemples, ça va être clair. Inch'Allah. Qala fa lafdhul qarya. Al-qarya, c'est un village. مثلا يراد به القوم طارة ومساكن القوم طارة أخرى. هذا اللفظ العرب القرية أحيانا المراد le sens c'est les habitants. القرية tu le traduis mot à mot en français c'est le village. أحيانا dans les textes المراد بالقرية c'est les habitants, c'est pas le village. لكن dans la langue arabe القرية تطلق على على الساكنين سكي أبيت. قال شيخ العثيمين وأحيانا وطارة أخرى مساكن القوم. أحيانا c'est les habitations. Ce qu'on connaît nous en langue française. Quand on dit un village en langue française, c'est les habitations. Les maisons, les routes, les akhiris. C'est ça un village. En langue arabe, al-qarya, ça peut être le village ou ça peut être les habitants du village. Comment savoir quand est-ce que c'est les habitants, quand est-ce que c'est le village lui-même? Dans le contexte. فقال رحمه الله فمن الأول أي أن لفظ القرية يطلق على القوم فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فتأملوا ce verset. فلفظ القرية هنا سكو المراد عند من؟ Cheikh Al-Uthaymin, il faut bien comprendre l'approche l'âne qu'il a, ou qu'il a eu dans ce livre, rahmatullah alayhi. Avant de passer au sifat, et te montrer que quand tu entends un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, la main, les mains, le visage, Allah il descend, Allah il est au-dessus, Allah il a des yeux, Allah il a des doigts, ne comprends pas que ça ressemble à la créature. C'est ça le but de Cheikh Al-Uthaymin dans cette règle. Lakin, avant cela, il te montre un point important en langue arabe, Anna, pour comprendre le sens d'un lafd et d'un mot, tu dois comprendre awalan le contexte. Enfin, quand on parle des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne parle pas des mains des créatures. Enfin, pourquoi penser aux mains des créatures? Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, avant de parler des attributs, il va te citer des exemples en langue arabe où qu'on est tous d'accord, même ceux qui se sont égarés, ils sont d'accord avec nous sur ce point. Par rapport maintenant au mot village en arabe, al-qariya, ça peut vouloir dire telle chose, ça peut vouloir dire telle chose. Ça dépend du contexte. Cheikh Al-Uthaymeen, il va faire le lien avec un sifat, les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas comprendre les mains d'être humain, et Allah t'a dit main d'Allah. Si on dit les mains de Isa, on comprendra les mains d'être humain. Si on dit les mains de Youssef, on comprendra les mains d'être humain. Si tu dis main d'Allah Azza wa Jal, c'est autre chose. Fahuna, cet exemple avec le qariya. Qala Azza wa Jal, wa in min qariyatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah aw mu'adhibuha 'adaban shadida. C'est quoi le sens de qariya huna? Indaman, tafadhal. مساكن القوم لماذا؟ نعم، إذا بدك قوم مساكن القوم. يعني أهل هذا من الذي يسكن في هذا القوم؟ لا، إلى بعد ساكن القوم، إلى دي مساكن. C'est différent. Tu connais peut-être le singulier المسكن. فكوريش تفضل. المراد بالقرية هنا سي القوم لماذا؟ غبت؟ لا. Tu l'as cité au départ. Tu as pris d'où في الآية أن المراد بالقرية سي القوم. أي الله عز وجل لما قال وإن من قرية. هنا المراد le sens de القرية ici le village c'est les habitants du village. لماذا tu as choisi les habitants du village? Répète ce que tu as dit, tu avais eu juste au départ. أحسنت أو معذبوها. Et là chaque année les maisons, les routes, les arbres, ils ne se font pas châtier. Ceux qui se font châtier, c'est les êtres humains. Ou qui peuvent se faire châtier, c'est les êtres humains. فَقَوْلُهُ وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا. Ça peut être كذلك الهلاك sur les arbres, les routes, les maisons, إلى آخره. فهنا, on n'a pas encore le شهيد. قَبْلَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا. هنا, التعذيب, c'est pour le مُكَلَّف, c'est pour l'être humain. فَلِهَذَا الْعُلَمَاء, ils ont compris مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَيْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala il va châtier al-qariya, le village, et les habitants du village. Donc on a un mot et tu as compris un autre sens. Pourquoi l'anna, la tournure de phrase dans ce verset, automatiquement tu comprends un village ne peut pas se faire châtier. Donc ceux qui vont se faire châtier, c'est les habitants du village. Qala wa min al-thani qawluhu ta'ala. C'est quoi الثاني? قوله ومن الثاني. أحسنت ومساكن القوم. Le premier va من الأول أي القوم. أي القرية بمعنى القوم. Il a cité le verset. ومن الثاني أي أن القرية تأتي بمعنى المساكن أي les habitations. قال قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ. C'est ce qui nous montre pourquoi هنا القرية c'est مساكن القوم et c'est pas le قوم et c'est le village comme on connaît nous les habitations إلى آخره. عندمن تفضل. Un autre, il va te dire « Inna muhliku ahli hadhihi al-qariya » Un autre, il va dire l'inverse. Tu dois montrer quelque chose, c'est une nos qui montre que ce n'est pas possible que ça soit autre que al-masakin, que les habitations. Tfadda. Aslan, dhukir al-qawm. Ahsant. Inna muhliku ahli, yani al-qawm hadhi al-qariya. Ahsant. Ça Anna vil ayah, tu as déjà le qoum, tu as déjà les habitants. On répète, al-qarya, ça peut être le village, ça peut être les habitants. Dans le premier texte, vous avez remarqué que là, je sais que le sens, c'était les habitants. Allah, il va châtier les habitants du village, il ne va pas châtier le village, les maisons. Dans le deuxième texte, qala azawajal, inna muhliku ahli hadihi al-qarya. Les habitants, ils sont déjà cités, vi qawlihi ahli. Donc là, je sais que le sens de l'qarya, c'est le village lui-même. Donc les habitants du village. Donc le village, je ne vais pas l'expliquer par les habitants. Il y en a les habitants, ils sont déjà cités. Ou plutôt, al-ma'na, ça aurait été, si on l'explique, al-qarya par les habitants, inna muhliku ahli hadihi al-ahl. Tu aurais deux fois ahl, deux fois les habitants. Et là, je sais que ce n'est pas le mot. Ala kulli hal, tu as bien compris. Huna, akhi al-karim, anna al-qarya. En arabe, le mot village, al-qarya, en arabe, ça peut être al-zahir. On revient à l'un, à l'apparence, à l'un. L'un, on n'a fait aucune interprétation. C'est l'apparence du texte. Par rapport au contexte, tu comprends Al-Qariya, ça peut être les habitants. Rien, tu vas comprendre que ça peut être le village lui-même. Les habitations, il a. Tout ça avec la langue arabe. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Wa naqul. Après avoir cité cet exemple en langue arabe, rahmatullah alayhi, il va revenir au sujet. Au sujet principal. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي. Vous avez remarqué que c'est le même mot, yed, yed. C'est les mêmes lettres, بيدي وبيدي. Sauf que dans le premier, ou on aurait pu dire biyadayya, na'am, sama'tu hada biyadayya, c'est mieux biyadayya, hatta les deux, c'est le même mot et c'est la même prononciation. Fa qawluhu wa taqul sama'tu hada biyadayya bi fathi ad-dal. Donc vous avez remarqué, c'est le même mot, la même prononciation. Un ba, thumma ya, thumma dal, thumma ya. Est-ce que tu vas comprendre du premier lafz, du premier mot, le même sens que le deuxième, ay annahum, ils sont identiques, abadan. C'est pour ça qu'on a dit zahiru an-nas. On connaît quoi? On connaît asl al-ma'na. On connaît pas haqiqat al-ma'na. On connaît pas le kayfiyya. Faqawluhu rahimahullah wa naqulu sana'tu hadha biyadayya fala takun al-yad kal-yad fi qawlihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya li'anna al-yad fi al-mithal وضيفت إلى المخلوق أي قوله صنعت هذا بيدي وضيفت إلى من؟ إلى المخلوق أي j'ai fabriqué مثلا cette chaise avec mes mains. Donc هنا on parle d'un être humain qui a fabriqué une chaise, donc les mains هنا ça sera des mains avec une paume, avec des doigts, avec des os, avec de la chair, avec du sang, il a fait et tout le monde va comprendre هذا. قال الشيخ ابن عثيمين فتكون مناسبة له. Les mains d'un, on parle d'un être humain. Donc on va comprendre des mains d'être humain. قال وفي الآية قوله لما أو لما خلقت بيدي أضيفت إلى الخالق. Donc vous avez remarqué la première إضافة à une créature, à un être humain, et la deuxième à Allah subhanahu wa ta'ala. أي les mains, c'est les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. صحيح. Un مؤمن, un مسلم qui a la raison, ولله الحمد, il comprendra jamais من قول الله عز وجل لما خلقت بيدي des mains d'être humain. لماذا؟ لأنه on parle des mains d'Allah سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Troisième point. Donc premier point, un bref aperçu en langue arabe, أن un mot il peut avoir plusieurs sens, le même mot. Deuxième point, la relation avec le sujet, avec les sifat. Biyadayya, biyadayya. Troisième point, wa naqul. Il va reciter un exemple en langue arabe. Wa naqul, ma indaka illa zaydun, wa ma zaydun illa indak. L'imada, il a cité cet exemple, Cheikh Ibn Uthaymeen, pour te montrer, on a deux phrases en langue arabe, avec les mêmes mots, laquelle la tournure, elle est différente. Mathalan, le sujet il est avant le verbe, ou le verbe avant le sujet, ou cette lettre avant, il a akhri, tu auras un sens différent. فقوله ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. C'est quoi la différence alors que c'est les mêmes mots? La différence dans le sens. عند من ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. Il y a une différence مهمة. Enfin, تفضل. بالعربية الآن فهمنا نعم. فسيكو لا ديفيرونس. ففي الأولى ما عندك إلا زيد أي لا أحد غير زيد عندك. أحسن قوله ما عندك إلا زيد ça veut dire que عندك chez toi y a que زيد. Y a pas محمد, y a pas عمر, y a pas زيد. لا إله إلا الله. هذا يفيد الحصر هذا اللفظ أو هذا التعبير cette tournure de phrase تفيد الحصر. C'est pour ça qu'on dit لا إله إلا الله. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Et l'adoration, elle est que pour Allah Azza wa Jalla seul. فَقَوْلُهُ مَا عِنْدَكَ إِلَّا زَيْدٍ أي زيد il est seul dans cette maison, أي chez toi. قَوْلُهُ وَمَا زَيْدٌ إِلَّا عِنْدَكَ ça veut dire que زيد il n'est pas autre part, il est chez toi. Ça veut dire que زيد il n'est pas au masjid, il n'est pas dehors, il n'est pas dans tel magasin. Là, il est chez toi. لَكِنْ رُبَّمَا مُحَمَّدْ il est avec lui, زيد il est avec lui, il est akhir. Donc, tu as deux phrases avec les mêmes mots. Et le sens il est différent. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات. أي سلمه ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. Vous avez remarqué que il y a le عندك il a été déplacé. فقط. وإلا c'est la même phrase. قال لكن اختلف التركيب فغير المعنى به. Et dans une nusra, fataghayyara al-ma'na bih. Et ça a l'air d'être aqrab. À la kulli hal, le sens il a changé, les madal, il y en a la tournure de phrase elle a changé. Qala shaykh al-Uthaymeen, idha taqarrara hadha, si tu as compris hadha, tu as compris, c'est comme une introduction à la quatrième règle, tout ce qu'on vient de citer. Wa idha taqarrara hadha, fa zahir nusus al-sifat, ma yatabadaru minha ila al-dhihn min al-ma'ani. Si tu as compris hada, fais attention à la shubha de tous ceux qui se sont égarés fi bab al-sifat, min jahmiya, ou mu'tazila, ou ash'ira, ou mumathila, ou muwawwidha. Tous, ils n'ont pas compris ce point. Ils ont compris, ou ils ont pensé que si tu choisis la voie des salafs, elle a le sens, le texte, tu le comprends selon son apparence, sans déformer, sans interpréter, sans rejeter, et tu acceptes, ils ont pensé que cette tariqa, on allait tomber dans le tamthil. Allez, hada, ba'dahum, ils ont déformé, ba'dahum, ils ont rejeté, ba'dahum, ils ont attafoui, ils ont dit, on ne sait plus. Anta, si tu as compris hada, anna zahiru nas, tu auras une ma'na par rapport à qui cet attribut il a été lié, à où il a été attribué. Si on dit le visage d'un être humain, tu comprendras le visage d'un être humain. Visage d'un être humain, forcément il y a un nez, forcément il y a une bouche, il y a des yeux, il y a de la peau, il y a du sang, il y a des os. Marouf, le visage d'un être humain. Même si la couleur elle change, même si la forme elle change, le visage d'un être humain, ils se ressemblent tous. C'est-à-dire que la couleur et un peu la taille qui change, vous voyez là, un visage c'est un visage. Si tu dis Wajhullahi subhanahu wa ta'ala, ihadhar, fais attention. Comme taqaddam ma'ana dans une qa'ida. Fais attention à deux choses, au tamthil et au takif. Ce visage, écarte-toi du tamthil, il ne ressemble pas au visage des êtres humains. Lakin, c'est un vrai visage. Limanali, anna Allah Azza wa Jalla, il a dit visage. Wajhu rabbik. Allah, il a dit wajh. Donc, c'est un vrai visage. Lakin, ce n'est pas un visage comme celui des créatures. Il te reste une chose. Comment il est? Allahu a'lam. Et aslan, on ne se pose pas cette question, c'est une bid'a. Yarhamukullah. Lakin min bab at-ta'lim, c'est muhim. Wa illa, va se poser cette question, il n'y a pas de fa'ida. Limada, il n'y a personne qui connaît la réponse, illallah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-kayriya, Allahu a'lam biha. Tout ça, t'estavid minhu mada, annaka, tu auras aqidat al-salaf, incha'Allah, anna chaque attribut tu l'acceptes, tu connais le sens, lakin, ça n'implique pas que ça soit comme un attribut des créatures, et le comment, tu ne le connais pas. Qui c'est qui se rappelle de Aqidat al-Salaf qu'on avait résumé en une phrase? هي الاقتصاد. تفضل أخي. أحسنت. إثبات بلا تمثيل. C'est ça, aqidat al-salaf. Enfin, on dit qu'Allah il a des mains sans faire de tamthil. Contrairement à Haoula, ils ont dit, si tu dis qu'Allah il a des mains, ça veut dire que tu le fais ressembler aux créatures. Ils se sont égarés. Ithbatun bila tamthil. Wa mada? La deuxième partie? Ahsan, wa tanzihun bila ta'til. Kadhalika tanzih, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit, on affirme, que Allah il ne ressemble pas à la créature. Lakin sans faire du ta'til. On dit maintenant les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme les mains des créatures. Lakin ihdhar at-ta'til, ça te pousse à dire qu'Allah il a pas de mains là. Allah il a pas les mains comme les créatures, lakin il a des mains. Et on a cité souvent ensemble un Allah subhanahu wa ta'ala, il existait, il a toujours existé avec ce sifat et l'être humain il n'existait pas. Allah c'est l'awwal. Donc pourquoi faire cette comparaison? Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'awwal, il a toujours eu ce sifat. Lakin al-qawm ka'annahum, ils ont compris de hadhihi al-alfaz avec Allah il a des attributs. Que forcément, ça doit ressembler aux attributs des créatures. Kadhalik, qu'on avait précisé, on peut rajouter ici, les créatures elles-mêmes, ils ont des attributs différents. Fahoum, maintenant, ils disent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis Allah, il a un vrai visage, tu l'as fait ressembler à l'être humain. Et les autres créatures, pourquoi vous dites être humain? Pourquoi vous ne dites pas une autre créature? Les animaux, ils ont des visages, les anges, ils ont des visages, kathir min al-makhlouqat, ils ont des visages. Ça montre que c'est bâtil. Et kadhalik stavad manna, si les créatures, entre elles, les créatures, leurs attributs, même si c'est le même nom, ça implique pas une ressemblance dans tous les points, fama banuk bil khaliq azza wa jall. Et tout ça, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il va le résumer dans cette qa'ida. Wa hadi al-qa'ida, c'est min anfas al-qawa'id. Si tu veux comprendre, al-rudud, ala ahl al-bid'a, fi hada al-bab, fi bab al-sifat, que ce soit min kalam Cheikh Al-Islam Al-Uthaymeen, ou min kalam الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لماذا on a cité ces deux imams لأنهم توسعوا ils ont beaucoup détaillé ils ont beaucoup répliqué contre الأشاعرة والمعتزلة إلى آخره كذلك الشيخ ابن عثيمين et tous les imams de la sunna si tu veux comprendre tous les redoux du verbe صفات comprends cette règle ça مفتاح جميل الطيب الشيخ ابن عثيمين وفق رحمة الله عليه حقيقة il a résumé une grande partie des livres de Cheikh l'Islam Taymiyyah et de l'imam ابن القيم dans cette risale Et dans la quatrième règle. فاسمع قال وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. نعم. أي في هذا الباب ما يتعلق بالظاهر. Les gens se sont divisés en trois groupes. أي par rapport au texte sur les صفات, est-ce que tu les laisses en apparence أم لا؟ Ou par rapport au ظاهر, à l'apparence du texte. مثلا Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains bal yada mabsoutata. Tu auras trois groupes. Le premier قال القسم الاول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وابقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والذين لا يصدق لقب اهل السنه والجماعه الا عليهم. Ça c'est tout ce qu'on a expliqué والله الحمد dans ce livre, dans toutes les règles, khasatan fi bab as-sifat, aqidat ahl as-sunnah. Annahum, ils ont dit que ces sifat, elles sont citées dans le Coran et dans la sunnah. Le Coran et la sunnah sont en langue arabe. Walillahi alhamd, on comprend la langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce Coran pour qu'on médite et l'akhiri, donc on comprend l'essence, que ce soit des attributs d'Allah ou autre, azza wa jal. Donc ils ont accepté ce sifat sans faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la créature et en s'écartant du takif. Et comment elle est cette sifat? Allahu a'lam. Lakin on sait que c'est un visage. Un visage c'est pas des mains. Et des mains c'est pas les pieds. Là, Allah il a un visage, il a des mains, il a des pieds. Lakin il ne ressemble pas à la créature subhanahu. Ça c'est aqidat ahl sunnah wal jama'a. Qawluhu la yasduq laqab ahl sunnah wal jama'a illa alayhim. لماذا لأن قوما يبخطون أنهم سئوا أهل السنة ينحرفوا في هذا الباب وهم الأشاعرة الضلال الأشاعرة يسابل أمام أهل السنة كثير من الناس يبنس كسئوا أهل السنة c'est pour ça que leur bid'al c'est beaucoup propagé في الحقيقة انحرفوا في هذا الباب الأشاعرة ils font partie de أهل البدع والضلال comme on a expliqué ensemble et on avait détaillé dans Le cours sur l'Asha'ira dans notre série sur les sectes, walillahi alhamdu wal minna. Kadhalik, le Ba'd pense que أهل السنة c'est le مفوضة. C'est eux qui ont suivi Madhab Salaf. Et ceux, Ahl al-Sunnah, et Hada, c'est Batil, comme on l'a expliqué, Walillahi al-Hamd. Et, Inch'Allah, Rubbama, Cheikh Ibn Uthaymeen, il va reciter Hada. Donc, le premier groupe, il est clair. Le deuxième groupe, ou plutôt, Nakmil al-Kalam, Qala, Wa qad ajma'u ala dhalik kama naqalahu Ibn Abd al-Barr, Rahimahullah. Et Hada, c'est muhim. Fi al-Uloum, quand al-A'imma, il cite al-Ijma', c'est muhim. Limada, li'anna al-Ijma', c'est un dalil. Al-Adilla, tu en as plusieurs, les preuves, pour prendre comme argument une chose, tu as plusieurs catégories. Tu as le Coran, bien sûr, la parole d'Allah Azza wa Jal. Tu as la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Sahiha, al-Thabita. Et كذلك, tu as l'Ijma' fi hada al-bab, fi bab al-sifat. Tu as trois choses, le Coran, la Sunna ou l'Ijma'. Wa'lam anna l'Ijma' est forcément fondé sur un délit. On parle de l'Ijma' al-Sahiha. Wa ibn Abd al-Barr, rahimahullah, c'est un imam. إمام كبير من أئمة المالكية إلى تعالى عقيدة السلف إلى غابورت الإجماع قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. هذا الكلام إلي مفيد وتستفيد منه أن أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والله الحمد هذا تقدم معنا dans une plusieurs règles dans trois règles une dans les noms une dans les attributs une dans les noms et dans les attributs أن هذا الباب إلي توقيفي هذا الباب إلي توقيفي أي pour prétendre ou pour affirmer que Allah سبحانه وتعالى il a tel attribut ou tel nom il faut une preuve إما دي القرآن إما دي السنة وتوصن الله بأنصنب لله الحمد قال والإيمان بها نعم بيان سور أكسبتي هذه الصفة لماذا؟ لأنه نان تكست أو سنون لماذا؟ لأنه نان بخذ كونتخيرمون الجهمية والمعتزلة عيادا بالله أنكروا وعطلوا إذن غجتهم هم لا يؤمنون أن الله عز وجل إلى دماء إلى فيزاج أن الله سبحانه وتعالى يسمع أن الله يعلم الجهمية والمعتزلة إذن رجتي تطل الصفات عيدا بالله فهؤلاء لا شك أنهم سيد الضلال قال وحملها على الحقيقة لا على المجاز سنوات غاقل المجاز شيخ الإسلام رحمه الله لا بكوت تتعيي كذلك من أحسن من بين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في السواعق المرسلة أي لا أبل المجاز طاغوتا الحقيقة سنطاغوت كأهل البدع والضلال يزوتيليز pour عيادا بالله rejeter la vérité. Ça veut dire quoi le majaz? Très simplement. La langue arabe قالوا elle se divise en deux حقيقة ومجاز. Et on rentrera pas dans les détails. Est-ce que le majaz, il y a du majaz dans la langue arabe? C'est pas notre sujet هنا. Pour avoir un aperçu فقط c'est quoi le majaz? Ils ont dit la حقيقة ou le majaz. فمثلا pour eux l'être humain, il a des mains, pour eux ça c'est le haqiqa. Al-yed huna, c'est yedun haqiqiya. Donc, tu comprends avec la langue arabe, une main, avec une paume, avec des os, avec des doigts, il a akhri. Qawluhu azza wa jal bal yadah mabsutatan, huna pour eux c'est du majaz. Tu peux remplacer le mot majaz par un autre mot. C'est quoi? Hein? At-tahrif, na'am. At-ta'wil, at-tahrif, ahsant. Pour te faciliter pour l'instant, al-majaz, pour eux, al-haqiqa, c'est le tahrif. Faqawluhu val-yadah mabsutatan, pour eux, al-yad, huna, c'est al-majaz. Et c'est pas une vraie main. Allah, il a dit des mains, mais en fait, la compréhension, l'interprétation, c'est la force, il a akhir. Falihada, qala Ibn Abd al-Barr, on revient à son kalam, muhamliha al-haqiqa, la al-majaz. Allah, il a dit des mains, c'est des vraies mains. Allah, il a dit des sons, il descend vraiment. Allah Azza wa Jalla il a sifat al-ghadab, il se met en colère, il se met en colère vraiment. Allah Subhanahu wa Ta'ala il a sifat al-dhahik. Allah Subhanahu wa Ta'ala il rit, on attribue cette sifat à Allah Azza wa Jalla. Limadha li anna athbathaha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fa al-hadhar min hadha. Et كذلك pour celui qui veut étudier ce sujet et hadha ça viendra dans d'autres livres de aqida inshallah, lakin al-Imam Ash-Shanqiti rahmatullah alayhi il a une risala fi hadha. في إبطال المجاز في القرآن الكريم يمونتر ك هذا سباطل اسم من أساليب أهل البدع pour au nom de la langue arabe essayer de montrer le regardement qu'ils ont dans l'aqida, fahdar. C'est pour ça que Ibn Qayyim rahimahullah, il a appelé Adal Majaz, c'est un tarout, iyadan billah. قال الا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك on a vu une règle في هذا ولا يحدون فيه صفه محصوره فالكيفيه c'est donner un comment فهذا on reprécise ان ما من شيء موجود الى une كيفيه فليس صفات الله عز وجل elles ont un comment لكن on l'ignore لان ça fait partie de l'invisible pour nous قوله ولا يحدون فيه صفه محصوره اي أن صفات الله عز وجل كاملة فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير إلى القوة المطلقة في السكي الفي لكابل دو تو contrairement à l'être humain c'est une des différences avec l'être humain مثلا l'être humain il a du علم il connaît des noms il connaît des choses par cœur il comprend des choses علم de la médecine le علم de beaucoup de choses c'est du علم هذا لكن هذا العلم il est محدود لا شك أن الإنسان ينسى ويجهل وتختلط عليه الأمور فسبت سيانس كلا cette science elle est limitée أما الله سبحانه وتعالى ses صفات elles sont pas limitées il est capable de tout et il sait tout il voit tout il entend tout عز وجل أي c'est la règle qu'on a vu ensemble لله الحمد أن الصفات صفات الله عز وجل كاملة من كل وجه أي les attributs d'Allah ils sont parfaits il n'y a aucun défaut aucune faiblesse aucun manquement. وقال القاضي هذا الكلام نعم قال في الحاشية التمهيد هي الإكسبليكاسيون دو موطى الإمام مالك رحمة الله عليه دو الإمام ابن عبد البر وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن ما روي عن الإمام أحمد والسائر الأئمة نعم أبو يعلى القاضي سان حنبلي رحمة الله عليه c'est pour ça qu'il a rapporté la parole de l'imam Ahmed et d'autres على كل حال son كلام يغسامل كلام de Ibn Abdel Bar وتقدم معنا tout son كلام هذا ça a été expliqué dans les règles que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité dans ce livre لا يجوز رد هذه الأخبار on n'a pas le droit de rejeter لماذا لأن si on a une preuve authentique, on est obligé de l'accepter. وَلَا تَشَارُ الْبِتَأْوِيلِهَا Ne pas se perdre son temps à vouloir interpréter. Et مَا دَلِيَنَا c'est de l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce Coran en langue arabe, une langue claire. Enfin, des mains, c'est des mains, visage, c'est un visage. La colère, c'est la colère. Pas besoin d'interpréter. حَقِقَةً Une des causes de l'égarement de هَاُولَا, c'est أَنَّهُمْ شُغِلُوا بِهَذَا et كَدَلِكَ التَّكَلُّفُ Se sont imposés des choses que personne n'aura imposées. Quand ils ont entendu la colère, ils se sont imposés des choses. Si tu dis que Allah il est en colère, c'est que kada, c'est que kada. Et à la fin, ils ont rejeté. فَلَا تُكَلِّفْ نَفْسَكَ وَلَا تُشْغِلْ نَفْسَكَ Une chose dont personne t'a demandé. Les salafs, ils ne se sont pas occupés avec هذا. آمَنُوا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ Et ils ont fait des efforts faits de dîner, ils ont propagé de dîner. أَمَّا هَوْلَا ils se sont occupés de هذا. Et tu vois leurs efforts faits de dîner, عِيَدًا بِاللَّهِ c'est de l'égarement. قَالَ والواجب حمله على ظاهرها c'est les dernières règles qu'on a vues dans le sifat وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق c'est toutes les règles qu'on a vues sur عدم التمثيل ولا يعتقد التشبيه فيها c'est la même chose لكن ما روي عن الإمام أحمد والسائر الأئمة قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه والذي روي أنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف c'est ça عقيدة السلف الإمام أحمد يغيبتي سكلام سوفان et tous les أئمة par rapport aux صفات أمروها كما جاءت بلا كيف أي تؤمن بالصفة على ظاهرها الله إلى دمة donc on dit الله إلى دمة et ne rentre pas dans des interprétations ou dans تكييف comment si tu t'arrêtes là الحمد لله tu seras على خير قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين أي la voie des سلف c'est le haq pour deux raisons قال الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف نعم لأن التكست سنكلا تطبيق تام Et c'est exactement comme cela qu'ils ont fait les sahaba radiyallahu anhum. Celui qui suit cette voie, alhamdulillah, il sera à la haq. Lakin tanabbahu huna, et c'est une faïda azima pour talabat al-ilm. قوله رحمة الله عليه كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. Ces deux choses, si tu veux comprendre ton din, si tu veux suivre la vérité, si tu veux éviter de t'égarer via هذا الباب بإذن الله عز وجل, العلم والإنصاف. العلم والإنصاف. Le contraire de العلم, c'est l'ignorance. بعضهم يتكلم بالجهل. يتكلم بالجهل. Il a entendu les gens dire si tu dis qu'Allah il a des mains, ça fait ressembler aux créatures, il le dit. Les mains, ça correspond à ce qu'il y a dans sa raison, et il ne veut pas trop faire d'efforts, et il suit les autres. Tu peux lui emmener le tafsir de Cheikh l'Islam Taymiyyah, de l'imam al-Qayyim, de Cheikh al-Uthaymin, il a akhiré. Ma huwa hawl al-ilm, c'est un jahel. Hada, en général, iyadan billah, il est exposé à l'égarement. Qawluhu. وإنصاف ça c'est مهم لأن بعض الناس ont du علم et بعض الناس ils connaissent les textes de Cheikh l'Islam Taymiyyah d'Ibn al-Qayyim mieux que nous lakin ils ont un manque d'insaf. Le contraire de l'insaf c'est al-kibr. Le contraire de l'insaf c'est al-ta'assub, c'est ne pas accepter le haq. Mais celui qui fait des efforts dans l'ilm et il a du insaf, il est modeste, il est juste, فبإذن الله عز وجل il a tous les ingrédients pour suivre le haq. Et c'est pas que fait l'aqidah, c'est fait jami' al-ulum. Ben c'est fait jami' al-din. Fais attention à l'ignorance. C'est exactement le bab que al-Nasara, iyadun billah, c'est exactement la voie que les chrétiens ils ont suivi, l'ignorance, ils se sont égarés. Al-dalloun, ghayri maghdoubi alayhim wa al-dallin, Allah il les a appelés dalloun. C'est des ignorants, ils se sont égarés, iyadun billah. Hatta ils ont prétendu qu'Allah il a un fils. Azza wa jal. Et fais attention au manque d'insaf. C'est exactement l'égarement de l'Yahoud. Ils ont du ilm. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils savent, ils connaissent ce Coran, ils savent que c'est le haq, ils savent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Lakin, ils ont un manque d'insaf. Ils ont du kibr, ils ont de l'entêtement et ils ne veulent pas admettre. Donc, al-ilm ou al-insaf. Ça te montre quoi, Akhil Karim? Al-ilm, c'est très très important, mais n'oublie pas janib al-insaf. Al-ilm, comment ça s'acquiert al-ilm? Avec les efforts. Tu apprends par cœur, tu apprends le Coran, tu apprends des hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu prends des cours, bien sûr avec une méthodologie correcte, et là, tu auras du ilm. Un an, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans, alhamdulillah, tu auras du ilm. Mais n'oublie pas janib al-insaf. Cet ilm, ça sera profitable avec du insaf. Cette nafs, tu dois faire attention. Tu ne l'utilises pas pour ta propre personne. Ce que tu dis, c'est forcément le haq. Si quelqu'un te contredit, il a forcément tort. Ce que tu as compris, c'est forcément la bonne compréhension. Si un frère il te montre autre, là, il a forcément tort. C'est très très grave. Il rejette le haq alors qu'il sait, lakin il a du kibr. Il ne veut pas admettre que l'autre il a raison. Kadhalik, et ça c'est une autre faïda azima. On doit tous demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul rabbi zidni ilma. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala ziyada min al-ilm et kadhalik al-insaf. Et al-insaf fi qawlihi alayhi salatu wassalam, Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Wa min al-thabat al-insaf. Ce qui n'est pas mon insaf, il n'est pas thabit. L'insan il demande hada, il demande l'ilm et il demande l'insaf. Il y en a celui qui a du ilm et qui est mon insaf. Inch'Allah, tout le bien, il l'aura. Tout le bien, il l'aura. Le bien, il découle en général de ces deux choses. Al-ilm et l'insaf. Celui qui est munsif, il appliquera, il acceptera le haq, il acceptera le nasiha. S'il se trompe, il revient. C'est ça le khir, c'est ça notre din. Qala, al-thani. Pourquoi, madhab al-salaf, c'est le haq? Donc la première chose, ils ont suivi les textes du Coran et de la sunna. Al-thani, an yuqal, inna al-haq, imma an yakun fi ma قاله السلف أو فيما قاله غيرهم لأن الحق واحد الحق لكن السلف مثلا في هذا الباب العظيم tu as plusieurs groupes tu as السلف tu as الأشاعرة tu as الجهمية tu as المعتزلة tu as المفوضة tu as الممثلة tu as ces catégories فالحق il est واحد si الحق il est pas عند السلف donc il est chez un autre groupe قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والثاني باطل نعم الثاني باطل لأن السلف سكي السلف الصحابة رضي الله عنهم et ceux qui sont venus après c'est eux السلف les élèves du prophète عليه الصلاة والسلام et c'est eux إجمع الأمة لأنهم c'était eux les croyants à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام et c'était eux l'unanimité et Allah subhanahu wa ta'ala il les a guidés فلا شك أنه السلف ils étaient على حق قال لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا عيادا بالله celui qui prétend أن الحق c'est par cette voie que Cheikh Ibn Uthaymin il a décrit dans ce livre et il prétend que c'est le Mu'tazila qu'on le haq ou l'Ash'ira ou l'Jahmiya عيادا بالله فشيخ Ibn Uthaymin قال هذا سيمبليك ماذا أنهم تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ça veut dire que السلف Ils n'étaient pas à la haq. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas montré le haq. Et ça veut dire qu'ils ont montré quelque chose de faux. Et tous ceux qui les ont suivis se sont égarés. Ayyadam billah. Qala Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, وَلَمْ يَتَكَلَّمُ مُرَّةٍ وَاحِدَ لَا تَصْرِحًا وَلَا ظَاهِرًا بِالْحَقَ الَّذِي يَجِبِ اعْتِقَادُهُ نعم, لأنها تتخوفها عند السلف التفويض أو التحريف أو التعطيل أو التمثيل. Les quatre égarements, tu les trouveras pas. أبداً. Donc ça veut dire que les salafs, ils n'ont jamais montré le haq. Si on dit que le haq, c'est ces choses. C'est très très grave. « Qala wa hadha yastalzim an yakunu imma jahilin bil haq wa imma alimin bihi lakin katamuwa » C'est pour ça que l'insan, il fait attention. Ces choses, haqiqa, c'est des choses très très graves. Celui qui prétend que l'asha'ira, c'est eux ahle sunna, et c'est eux qui ont le haq fi hadha al-bab. Et ils disent que ceux qui se disent ahle sunna, salaviyoun, c'est des mujassima. Hakada, ils disent Ils disent que vu que nous on dit qu'Allah il a des sevins, pour eux on a fait ressembler Allah à la créature. Donc ils disent mujassima, ça vient du mot jism. Et vous dites qu'Allah il a un corps comme celui de l'être humain, avec un visage, des mains, il a akhé. Les sunnas ils n'ont jamais dit ça. Enfin, celui qui dit que l'ash'ira, ceux qui sont à la haq, fil haqiqa, son kalam il implique ça, même s'il ne le dit pas. قال وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق إما عالمين به لكن كتموه. Prends l'exemple des mains. Qu'est-ce qu'ils disent l'ash'ira? Ils disent que les mains, ce n'est pas des vraies mains, lakin c'est la force. Ahyanan ils disent c'est les bienfaits, ahyanan ils disent c'est la qudra, c'est la capacité. Ils ont des interprétations fausses. Est-ce que Wahid min as-salaf il a déjà cité ces interprétations fausses? Abadan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que imma, ils étaient ignorants. C'est très très grave. Alors que c'est a'lam al-umma. Les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, wa sallallahu alayhi wa sallam, et les imams qui sont venus après, imma, ça veut dire qu'ils savaient et ils ont caché, ils ne nous l'ont pas montré. Et ça, c'est min al-khiyana, c'est encore plus grave. Et la shak annahum, c'était ab'ad al-nas, an dhalik, radiyallahu ta'ala anhum. Qala, wa kilahuma batil wa butlan al-lazim yadul ala butlan al-malzoum, fata'ayyana an yakuna al-haq fima qalahu salaf duna ghayrihim. Na'an. Vu que, هذا سفو فسامونتر كو لو قول ان مذهب السلف سي با الحق اي لو مذهب كي لا سيتي شيخ الاسلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله فهذا لا شك انه سي باطل فعلى كل حال هنا اوكان دوت ان الحق في هذا سي طريقه السلف قال القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك on lit le deuxième قسم لأنه il est simple et on l'a déjà expliqué souvent القسم الثاني من ماذا est-ce que vous suivez القسم الثاني من ماذا toujours quand vous lisez un livre ou vous écoutez un درس ou vous étudiez عند واحد انتبهوا quand tu as des تقسيمات Premièrement, deuxièmement, ahyanan, tellement qu'on parle et on met du temps à arriver au deuxième point, tu oublies. Et si tu oublies, ça peut avoir des conséquences graves. Il y en a l'explication, tu ne sauras plus c'est sur quoi. Enfin, un, cette explication qu'il a donnée Cheikh Ibn Uthaymin, c'est sur le qism thani. Le qism thani, min ma'adha. Hein? Na'am. Min al-ladhina qassamu fi hadha al-bab par rapport au zahir. On avait dit, il y en a par rapport à l'apparence des textes, trois groupes. Les sunnah, ils ont laissé l'apparence, ils l'ont compris, ils ont cru, sans faire de tamthil, takif, ils sont sur la bonne voie. Le qism thani, qawluhu azza wa jal, thumma stawa ala al-arsh, ou tous les attributs, sur, tous les preuves sur le visage, sur les mains, sur la colère, en Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Ar-Rahma, kadalik, la miséricorde. عند هؤلاء, l'apparence pour eux, Qu'est-ce qu'ils ont fait ? قال من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. Et تقدم معنا أن الأفضل c'est de dire التمثيل. لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. في القرآن on a le mot تمثيل. C'est أفضل. الشيخ ابن عثيمين نبه عن هذا dans certains de ses livres. Donc هؤلاء qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont compris un très très mauvais sens, c'est التمثيل. Ils ont dit, si tu dis qu'Allah il a de la miséricorde, la rahma, l'être humain kazalik, la rahma, la mère elle a de la miséricorde pour son enfant, les animaux ont de la miséricorde pour leurs petits, donc pour eux ça a impliqué at-tamthil. Et ils ont dit, na'am, c'est la même chose. Haoula, ils se sont égarés. Ya'yadam billah, al-mumathila. Qal wa abqaw dalalataha ala dhalik. Limadha? Pourquoi elle a fait cette précision, elle est muhimma? Wa abqaw dalalataha ala dhalik, indaman. Il aurait pu s'arrêter à huna. تفضل. لا هذا واضح. لكن لماذا لا عجبته وأبقوا دلالة على ذلك؟ لأن قوما بل tous les autres qui se sont égarés من معتزلة وجهمية وأشاعرة كذلك ils ont fait du تشبيه du تمثيل لكن ما قالوا به. Deux choses. هؤلاء ils ont compris مثلا من قول الله عز وجل on garde le même dalil pour vous simplifier بل يده مبسوطتان أن الله il a deux mains. Ils ont compris des mains comme les créatures. ثم ils ont dit نعم الله il a deux mains comme les créatures. On les appelle الممثلة, c'est des kuffars, ils sont égarés. العلماء كفروهم, ils ont fait ressembler Allah à la créature, c'est très très grave. Tous les autres égarés qu'on verra dans les prochains doros, الأشاعرة والجهمية والمعتزلة etc, كذلك quand ils ont entendu قول الله عز وجل بل يده مبسوطتان, ils ont compris les deux mains comme les mains des créatures. Lakin ma abqaw ad-dalala ala dhalik, qu'est-ce qu'ils ont fait? Imma ils ont rejeté, ils ont dit en fait Allah il n'a pas de main. Imma ils ont interprété. Fa'mafhoum. Falihadha qala rahmatullah alayhi wa abqaw dalalataha ala dhalik, ay ayyadan billah, ils sont restés à la tamthil et ils ont dit Allah il ressemble à la créature. Qala wa ha'ula hum al-mushabbiha wa madhhabuhum batil muharram min 'iddati wujuh. Qala al-awwal annahu jinayatun 'ala an-nusus wa ta'tilun laha 'an al-murad biha. فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. Le premier point il est clair. Comment dire que Allah subhanahu wa ta'ala ses attributs c'est comme les attributs des créatures alors que Allah قال ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Hum, ils ont dit si c'est les mêmes attributs, عياذا بالله. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه على التشابه بينهما. الممثلة لا يقولون أن ذات الله عز وجل سيكون ذات المخلوق. الذات elle est موصوفه بالصفات. Les صفات, les attributs, c'est des attributs de الذات. أي c'est les attributs d'Allah عز وجل. فهم ils disent pas que Allah il ressemble à l'être humain. أي que Allah c'est un être humain. لا. لكن ils disent que les صفات elles se ressemblent. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هنا يمونت أن si vous avez accepté que that c'est pas le même, فpourquoi vous dites que les صفات c'est pas le même? Comme vous avez dit أن that أي الله سبحانه وتعالى il ressemble pas à l'être humain, فهكذا les attributs d'Allah عز وجل elles ressemblent pas aux attributs des êtres humains. قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله فجوابه من ثلاثة أوجه. On conclut avec ces trois points qui sont très très importants. المشبه الممثل يقول أن نحن quand on entend main, enfin on comprend les mains des êtres humains. Quand on entend nous zulfa, pour nous, la descente, c'est connu de haut en bas. Et hakada. Toutes les sifat. Limada liyanna la langue arabe, on comprend la langue arabe avec ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est une choubha khatira. Fahoum, ils disent, pourquoi vous dites que c'est pas les mêmes mains alors que des mains, c'est des mains. Qala rahimahullah. Trois points pour répondre. Ahaduha, anna alladhi khatabana bidhalik huwa alladhi qala an nafsihi laysa kamithlihi shay. Andhuru. Celui qui donne de l'importance au adil. Léana fil haqiqa. Cette réflexion de al-mumathil, c'est fondé sur la raison. Il n'y a aucun texte, hein, quand il dit dès que j'entends main, pour moi, c'est des mains comme les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y a comme les gens, donc tu es obligé de délaisser hala. Même si la première fois que tu entends main, ça arrive, Bardenez entend Allah, il a des mains la première fois, ça peut arriver, est-ce que c'est comme des mains des créatures? Quand tu entends le texte, ferme cette porte. Allah, il a des mains, c'est pas comme les mains des créatures. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a aucune contradiction. Allah, il a des mains, et c'est pas comme les mains des créatures. Aïn al-ishkal. Qala Cheikh Al-Uzaymin, wa naha 'ibadahu an yadribu lahu al-amthal, aw yaj'alu lahu andadan. فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لماذا دوني الأمثال لله عز وجل comparer الله عز وجل أو لي donner des associés أو des égaux أو des semblables لماذا alors qu'Allah سبحانه وتعالى il a interdit وكلامه تعالى كله حق يصدقه أو يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض donc il n'y a aucune contradiction dans les textes. La contradiction elle est venue de ceux qui délaissent les textes et ils suivent leur passion. Ah, ou là, ils se sont contredits. Ils n'ont pas compris comment on dit qu'Allah il a des mains, c'est pas comme les mains des créatures. Alors que c'est tout simple. Allah il a des mains et elles ne sont pas comme celles des créatures. Deuxièmement, قال شيخ العثيمين أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات. C'est ce qu'on a cité dans le deuxième point. Le تذكرون pourquoi ils sont à la batil. Le deuxième point, أن العقل دل على مبينة الخالق للمخلوق في الذات. فهنا شيخ العثيمين يريتيليز pour répliquer à leur chouba. Voilà. Au قبل ذلك نعم ان يقال له الست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات فسيقول بلى فيقال له فلتعقل نعم فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات فان القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. Et ça, c'est un autre point important. Al-qawl fi dhat kal-qawl fi sifat. Comme on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne ressemble pas à un être humain, enfin, ses sifat, elle ne ressemble pas aux sifat des êtres humains et des autres créatures. Fahum, ils ont fait la différence entre al-dhat et al-sifat. Et ils se sont égarés. Et ils se sont contredits. Si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un être humain, il ne ressemble pas aux êtres humains, bah, hakada, ses attributs. Wa illa, c'est de la contradiction. Troisièmement, أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فسيقول بلى ça c'est من أقوى الردود. On répète, ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. لماذا quand ils entendent mais ils pensent à l'être humain alors que les anges ils ont des mains, les animaux ils ont des mains et beaucoup de créatures elles sont caractérisées avec des mains, ils ont comme attribut les mains. Enfin, si les mains, fi le makhlouq, elles sont différentes, فلماذا penser quand tu entends les mains que c'est comme les mains d'Allah Azza wa Jal. قال فسيقول بلى فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق. On a donné l'exemple avec les mains, ça peut être avec la force, كذلك. القوة. Les anges, ils ont de la قوة. Les êtres humains, ils ont de la قوة. Les animaux, ils ont de la quoi. Et les animaux entre eux, ils n'ont pas la même force. La force d'une fourmi, ce n'est pas la force d'un lion. La force d'un chameau, ce n'est pas la force d'un chat. Enfin, pourquoi on accepte cette différence dans les créatures? Pourquoi on ne l'accepterait pas بين الخالق, le créateur et la créature? هذا c'est من أقوى الردود. قال مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. نعم. Mais la différence entre le créateur et la créature, ça n'a rien à voir avec la différence entre les créatures en elles-mêmes. Prends Sifatu al-Quwwa, la force. Il y a une différence énorme entre la force du chameau et la force d'un chat. On est tous d'accord. La différence entre Quwwatu al-Khaliq, la force d'Allah et la force de n'importe quelle créature, chacun a la différence, elle est a'zam, c'est incomparable. هذا الكلام إلى جميل نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. Et le prochain cours on commencera القسم الثالث et c'est le plus important pour comprendre les égarements. عقيدة السلف الحمد لله, le premier قسم c'est ce qu'on a expliqué dans ce livre, toutes les règles. Le deuxième الممثلة, فالحمد لله ce groupe il n'existe plus, il n'y a pas un groupe aujourd'hui qui s'appelle الممثلة, avec un cheikh, avec des écoles, avec des livres, ils appellent à dire qu'Allah il ressemble à la créature, ou ses attributs ressemblent aux attributs des créatures, tu ne trouveras pas hada. Même si Bardanès, ils ont encore certaines de ces idées des choubas, mais en tant que groupe, ça n'existe plus. Le troisième groupe, c'est Al-Mu'attila. Et Khassatan, il va détailler sur Al-Ash'ir. Et ceux qui ont accepté les textes, mais ils les ont déformés. Ils ont dit, non, Allah, il a dit, il a des deux mains, il a deux mains, mais les mains, ça veut dire kada et kada. Et Cheikh Al-Uthaymeen, ça y est, jusqu'à la fin du livre, ou jusqu'à la fin de ce chapitre, ala haoula. Hada al-kalam, en fait, c'est le résumé de Al-Tadmouriya. Al-Tadmouriya, c'est sur ce sujet. La première partie sur Sifat, c'est sur c'est ce kalam que Cheikh Al-Uthaymeen, il a résumé. Inch'Allah, si ce n'est pas tout compris, ma fichée. Léana, vous avez vu que le kalam de Cheikh Al-Uthaymeen, il est assez dense. Il y a beaucoup de choses. Et on essaye de simplifier au maximum. Si un frère, c'est la première fois qu'il fait l'aqidah, ces choses, on les a déjà expliquées qalil, dans l'amiyah qu'on a fait avec certains frères, dans l'iqtisad, le premier livre qu'on a fait sur l'aqidah, on a expliqué kadhalik qalil. Si un frère, il n'a pas tout compris, c'est comme ça l'ilm. Ce que tu n'as pas compris, si tu le comprendras dans le wasitiyya, inshallah. Ce que tu n'as pas compris dans le wasitiyya, tu le comprendras fit tahawiyya. Ce que tu n'as pas compris fit tahawiyya, tu le comprendras fit tadmouriyya. Ou hada, l'essentiel, c'est les efforts. Et avant, le kalam, il est très très simple. Lakin, mit la hada al kalam, faut le réviser. L'imanada l'yanna, c'est fait de taqsimat. Trois catégories, les trois catégories, elles se divisent en temps. Telle shubha, telle ambiguïté, on répond avec tant de points. Hakika, à la fin, ça te fait beaucoup de catégories, beaucoup de points. L'imanada l'insan, il révise. Il révise et là, tu simplifies. Tu simplifies, il y a tel groupe, ils se sont divisés en tel nombre et ils ont tel égarement. Hatta, inshallah, tafam. Wa illa, Cheikh Al-Uthaymeen, ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait, c'est simplifier les paroles d'Ibn Al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah, alayhim rahmatullah. Enfin, inshallah, avec la révision, ça sera très très simple. Et kadhalik, quand on repropagera les doulos, l'insan, il réécoute s'il a besoin, hatta yafam. Et kadhalik, la lecture de certains shurouh, le charh de Cheikh Ibn Uthaymeen, le charh de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami et d'autres, fa fiha khayr wa barakah.